quel film tu nous parles cette semaine, Léa? Alors, je vais vous parler de Doctor Strange, le nouveau film Marvel. Donc, Doctor Strange est un médecin arrogant, prétentieux et égocentrique, richissime et froid, à qui il arrive une bricole. Ça nous rappelle un certain Tony Stark qui perd son cœur, alors qu'au sens figuré, il n'en a pas. Ici, c'est pas aussi profond, puisque c'est juste une perte pratique. Enfin, juste, le mec est chirurgien et il perd l'usage de ses mains. D'accord. Bon, d'opération en désespoir, il finit dans un temple, enfin une secte, à l'autre bout du monde, avec encens qui fume et capuche sur la tête, pour y apprendre l'art de la magie et devenir un vrai magicien. Enfin, un sorcier, mais un gentil. Doctor Strange, c'est un des héros Marvel les plus mystiques. On s'attend donc à un film au symbolisme fort et à une grande puissance ésotérique. Bon bah non, hein. on a un très bon produit formaté Disney / Marvel. On a bien une pomme qui traîne lors de The Scene où il apprend des nouveaux pouvoirs, mais enfin niveau symbolisme, la pomme, on a vu plus original. Donc c'est pas aussi pire que Civil War, c'est pas meilleur que Captain America. C'est un film à l'image irréprochable, aux effets spéciaux époustouflants et petite nouveauté par rapport au précédent, à la musique transcendante. Mais c'est tout. Comme d'hab, c'est-à-dire que Marvel ne fait jamais franchement de la merde, mais ne pond jamais quelque chose de génial non plus. Contrairement aux concurrents DC qui se plantent parfois, mais osent. Ils prennent des risques et surtout, ils osent les émotions, chose que Marvel se refuse apparemment à faire, et nous livre donc des films spectaculaires et épiques, mais jamais vibrants et touchants. Le film présente deux parties. La première, bien rythmée et fun, est un remake de Matrix. Le talent des sœurs Wachowski en moins et le plagiat d'Inception en plus. La seconde partie est plus originale, avec une course-poursuite dans New York impressionnante et une résolution finale parfaitement originale et sensationnelle, sans être bling-bling. Mais malheureusement, cette seconde partie souffre gravement d'un réalisateur qui se perd entre son style, celui qu'il aimerait avoir et celui qu'on lui impose. Du coup, on perd un peu l'intérêt devant ce manque flagrant de parti pris. On perd même de vue le but même du personnage de Strange. Strange, d'ailleurs interprété par l'incroyable Benedict Cumberbatch, est ici tout simplement en dessous de ses prestations habituelles, notamment dans Sherlock, mais on ne peut pas lui en vouloir, c'est juste qu'on lui a écrit un personnage incomplet et fade. Et cette pauvre Rachel McAdams, qui même avec tout son charme et, si juste, et son jeu si juste d'habitude, n'arrive pas à faire décoller cette femme fade et insipide qui ne sert même pas de faire valoir au héros, c'est dire à quel point elle est inutile. Un petit mot sur l'humour de ce film quand même, c'est la spécialité des super-héros Marvel, le bon mot ou la bonne rupture entre deux pains dans la gueule, mais ici, les gags sont souvent mal amenés et trop éparpillés. Ce n'est tout simplement pas le ton du film et il faut l'assumer. Là, on dirait que le producteur est passé sur le plateau et il a dit « Les gars, j'ai vu Deadpool, le mec prend en otage le box-office, ajoutez-moi de l'humour !» Malheureusement, à ajouter une vanne par-ci par-là, on se perd dans un second degré gênant qui met très mal à l'aise. La bande originale de Michael Giacchino est irrégulière, on sent une véritable bipolarité dans sa partition, probablement due à un lourd cahier des charges estampillé Marvel à respecter, mais les deux ou trois morceaux tendres, bourrés de cordes, transcendent complètement les scènes d'émotion et ont presque réussi à m'arracher une larme ou deux, comme si ces scènes étaient complètement indépendantes du reste du film. Au final, on ressort avec une sensation de tiédeur, d'un film qui ne va pas au bout de ses rêves, produit par une écurie qui applique une recette qui fonctionne, mais qui n'ira jamais plus loin. Bref, ce film est juste bien, mais il n'a rien de magique. Et ben, voilà. Ben, on n'ira pas le voir, hein. Vu comme ça, effectivement.